Cécilia, Mémoire d'une héritière, par Fanny Burnet. Livre 4e, chapitre 1er, Complainte. Cécile, persuadée que tous les soupçons sur son penchant pour M. Belfield étaient dissipés, se hâta de se rendre chez lui pour chercher avec sa sœur le moyen de lui être utile. Son domestique l'annonça quand elle fut à la porte, et elle fut tout de suite admise dans la chambre où elle était déjà entrée deux fois. Elle trouva la jeune Henriette alarmée sur l'état de son frère. « Il est perdu. Je ne le crains que trop, perdu pour toujours. Et cela par sa malheureuse vanité. Il oublie que son père était un simple marchand. Il est honteux de son extraction. Et son désir unique est de vivre avec les gens de qualité comme s'il était leur égal. À présent que sa situation ne le lui permet plus, il en est si affecté qu'il ne saurait s'en consoler. Il m'a dit ce matin qu'il voudrait être mort. Qu'en prolongeant sa vie, il n'avait d'autre perspective qu'une affreuse misère. Et quand il m'a vu pleurer amèrement, il a paru très touché, car il a toujours été à mon égard le meilleur des frères, surtout lorsqu'il a cessé de fréquenter les grands seigneurs qui l'ont perverti. Pourquoi, m'a-t-il dit, Henriette, pourquoi voulez-vous que je vive, tandis qu'au lieu de vous placer, vous et ma pauvre mère, dans un rang plus élevé, je me vois moi-même tomber si bas que je ne sers plus qu'à vous priver de vos petits revenus. « Je suis réellement fâché, répliqua Cécile, qu'il soit si affecté de son état. Mais comment se peut-il que vous, qui êtes beaucoup moins âgé que lui, ayez des idées saines? La solidité de votre jugement et la justesse de vos remarques m'étonnent autant qu'elles m'enchantent. Il me paraît que M. Belfield aurait actuellement moins besoin d'un médecin que d'un ami. Il reste un ami, mademoiselle, un ami généreux. S'il voulait seulement accepter ses services... Mais la présence de cet ami n'adoucit point ses maux, au contraire, sa fièvre augmente chaque fois qu'il vient le voir. « Eh bien, s'écria Cécile en se levant, je m'aperçois que notre tâche sera pénible et que nous aurons de la peine à le conduire. Mais prenez courage et comptez que s'il est possible de le sauver, nous ne le laisserons pas périr. » Alors, quoique craignant encore de l'offenser, elle lui offrit de nouveau sa bourse. Mademoiselle Belfield ne fut pas aussi révoltée de sa proposition. Elle remercia avec reconnaissance et lui dit qu'elle n'était pas précisément dans le cas d'en avoir besoin, et ne s'exposerait au risque de déplaire à son frère qu'autant que la nécessité l'y contraindrait d'avoir recours à elle, et l'assura qu'elle ne manquerait jamais d'argent tant qu'elle aurait le moyen de lui en fournir. Après quoi elle la quitta, remplie d'estime et d'amitié pour cette jeune personne, et déterminée à chercher quelque moyen de procurer un emploi ou quelque place avantageuse à M. Belfield, qui, en lui présentant un avenir plus agréable, lui redonnerait le courage et faciliterait sa guérison. Elle se proposa de consulter M. Monckton, dont l'expérience et la grande connaissance du monde pouvaient la guider dans les démarches que le désir de servir M. Belfield l'obligerait de faire. Malgré l'extrême confiance qu'elle avait en lui et la persuasion où elle était qu'il se prêterait à ses vues, une autre idée, tout aussi flatteuse, quoiqu'elle en attendît moins d'utilité, lui passa dans l'esprit. Ce fut de faire part au jeune Delville de ses idées. Elle savait déjà qu'il n'ignorait rien de ce qui concernait la situation de Belfield, et elle espérait, en lui demandant ouvertement son sentiment, de lui confirmer par cette démarche qu'elle n'avait aucun engagement avec lui.